C'est une tragédie qui fut à l'origine de ce portrait de Perlman par Lipchitz. Au début de l'année 1952, l'atelier de Lipchitz, à New York, avait été réduit en cendres. Bien que personne n'ait été blessé, l'incendie détruisit aussi bien des œuvres de Lipchitz lui-même que des œuvres qu'il avait collectionnées. Alfred Barr, le directeur du musée d'art moderne, prit immédiatement l'initiative de lancer un fonds de soutien pour la reconstruction de son atelier. Perlman fit un don et commissionna un portrait de lui à Lipchitz. Il se souvient. « J'ai posé un total de 29 fois pour ce buste de Lipchitz. Les séances avaient lieu dans mon bureau, j'étais assis sur un tabouret tournant, ma collection de peintures m'entourait et j'avais bien peu de choses pour me distraire. Si je n'avais rien reçu d'autre pour l'argent que j'avais versé à l'artiste, l'expérience seule aurait valu le coup. »